Unité 13. Conversation. Écoutez. Que veux-tu, maman? Marie, viens m'aider à mettre le couvert. Que manque-t-il? Apporte-moi les couverts et les verres. Que manque-t-il encore? Il manque l'eau et le vin. Maintenant, tout est prêt? Non, va me chercher le sel. Répétez. 1. Que veux-tu, maman? 2. Marie, viens m'aider à mettre le couvert. 3. Que manque-t-il? 4. Apporte-moi les couverts et les verres. 5. Que manque-t-il encore? 6. Il manque l'eau et le vin. 7. Maintenant, tout est prêt? 8. Non, va me chercher le sel. Répondez, répétez. 9. Que veux-tu, maman? 10. Marie, viens m'aider à mettre le couvert. 11. Que manque-t-il? 12. Apporte-moi les couverts et les verres. 13. Que manque-t-il encore? 14. Il manque l'eau et le vin. 15. Maintenant, tout est prêt? 16. Non, va me chercher le sel. Écoutez. Paul, Antoine, vous n'avez pas encore fini? Hélas, non. Il nous manque un plan. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? Peut-être jusqu'à 1h du matin. Voulez-vous quelque chose? Oui. Apporte-nous un café, s'il te plaît. Tout de suite. Voulez-vous manger quelque chose? Oui. Fais-nous un sandwich. Répétez. 17. Paul, Antoine, vous n'avez pas encore fini? 18. Hélas, non. Il nous manque un plan. 19. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? 20. Peut-être jusqu'à 1h du matin. 21. Voulez-vous quelque chose? 22. Oui. Apporte-nous un café, s'il te plaît. 23. Tout de suite. Voulez-vous manger quelque chose? 24. Oui. Fais-nous un sandwich. Répondez, répétez. 25. Paul, Antoine, vous n'avez pas encore fini? 26. Hélas, non. Il nous manque un plan. 27. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? 28. Peut-être jusqu'à 1h du matin. 29. Voulez-vous quelque chose? 30. Oui. Apporte-nous un café, s'il te plaît. 31. Tout de suite. Voulez-vous manger quelque chose? 32. Oui, fais-nous un sandwich. Écoutez. 33. Et pour vous, madame? 34. Donnez-moi 5 tranches de jambon blanc. 35. Et puis? 36. Préparez-moi un rôti de porc. 37. Le voulez-vous tout de suite? 38. Non, c'est pour ce soir. 39. Pouvez-vous le livrer? 40. Oui. On peut vous livrer le rôti à 5 heures. 41. Désirez-vous autre chose? 42. Oui, un pot de rillettes et c'est tout. Répondez, répétez. 43. Et pour vous, madame? 44. Donnez-moi 5 tranches de jambon blanc. 45. Et puis? 46. Préparez-moi un rôti de porc. 47. Le voulez-vous tout de suite? 48. Non, c'est pour ce soir. 49. Pouvez-vous le livrer? 50. Oui, on peut vous livrer le rôti à 5 heures. 51. Désirez-vous autre chose? 52. Oui, un pot de rillettes et c'est tout. Écoutez. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous voulons voir un lave-vaisselle. Êtes-vous fixé pour une marque? Pas précisément. Faites-nous voir plusieurs modèles. Combien coûte ce modèle? Il coûte 2500 francs. Pouvez-vous nous montrer une autre marque? Venez avec moi. Je peux vous montrer un très bon article. Répétez. 53. Qu'y a-t-il pour votre service? 54. Nous voulons voir un lave-vaisselle. 55. Êtes-vous fixé pour une marque? 56. Pas précisément. Faites-nous voir plusieurs modèles. 57. Combien coûte ce modèle? 58. Il coûte 2500 francs. 59. Pouvez-vous nous montrer une autre marque? 60. Venez avec moi. Je peux vous montrer un très bon article. Répondez. Répétez. 61. Qu'y a-t-il pour votre service? 62. Nous voulons voir un lave-vaisselle. 63. Êtes-vous fixé pour une marque? 64. Pas précisément. Faites-nous voir plusieurs modèles. 65. Combien coûte ce modèle? 66. Il coûte 2500 francs. 67. Pouvez-vous nous montrer une autre marque? 68. Venez avec moi. Je peux vous montrer un très bon article. Écoutez. 69. Allons, dépêche-toi. Tu es prête? 70. Oui, tout de suite. 71. À quelle heure les Blancs nous ont-ils invités? 72. Ils nous ont invités pour 8 heures. 73. As-tu donné le numéro de téléphone aux enfants? 74. Non, j'ai oublié. Donnons-leur avant de partir. 75. Je peux appeler un taxi? 76. Appelons vite un taxi et dépêchons-nous. Répétez. 77. Allons, dépêche-toi. Tu es prête? 78. Oui, tout de suite. 79. À quelle heure les Blancs nous ont-ils invités? 80. Ils nous ont invités pour 8 heures. 81. As-tu donné le numéro de téléphone aux enfants? 82. Non, j'ai oublié. Donnons-leur avant de partir. 83. Je peux appeler un taxi? 84. Oui, appelons vite un taxi et dépêchons-nous. Répondez, répétez. 85. Allons, dépêche-toi. Tu es prête? 86. Oui, tout de suite. 87. À quelle heure les Blancs nous ont-ils invités? 88. Ils nous ont invités pour 8 heures. 89. As-tu donné le numéro de téléphone aux enfants? 90. Non, j'ai oublié. Donnons-leur avant de partir. 91. Je peux appeler un taxi? 92. Oui. Appelons vite un taxi et dépêchons-nous. Écoutez. 93. Pourquoi les Martins veulent-ils prendre un taxi? 94. Ils veulent prendre un taxi pour aller chez les Blancs. 95. Pourquoi vont-ils chez les Blancs? 96. Ils veulent fêter avec eux un anniversaire. 97. Quel anniversaire fêtent-ils avec eux ce soir? 98. Ils fêtent avec eux l'anniversaire de Monsieur Blanc. Répondez, répétez. 99. Pourquoi les Martins veulent-ils prendre un taxi? 100. Ils veulent prendre un taxi pour aller chez les Blancs. 101. Pourquoi vont-ils chez les Blancs? 102. Ils veulent fêter avec eux un anniversaire. 103. Quel anniversaire fêtent-ils avec eux ce soir? 104. Ils fêtent avec eux l'anniversaire de Monsieur Blanc.